j'adore le titre. Ma mère est folle. Voilà. Et ben maintenant, on peut retrouver Julien Courbet. Écoutez, ça peut peut-être se soigner. Je ne sais pas. Mais je la salue en tout cas. Et... je vous remercie. En ce qui me concerne, je crains que le problème soit réglé depuis un certain temps. Je suis désolé. Je vous en prie. Écoutez, je suis vraiment navré de démarrer par une gaffe comme celle-ci. Qui met c'est tout pas le une monde gaffe. Mal à l'aise. C'est un effet comique qui est plutôt bon drôle pour tout vous dire. C'est un très bon début de semaine. Ce qui demain, je vous parlerai d'autres membres de votre famille. Oui, disparu. Qui, voilà, disparu. Merci beaucoup. Au revoir, mon cher. Bonne journée. Oh, je suis navré. Eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, écouter les missions qui nous ont été envoyées, notamment par Jérôme. Nous sommes en direct. Bonjour. Je vous appelle de Dordogne. Je suis gérant d'une jeune entreprise créée il y a à peine 7 mois. Par erreur, mon fournisseur d'électricité m'a prélevé 6 000 euros. Il l'a reconnu et pourtant, je ne suis toujours pas remboursé depuis le mois de juillet. Nous parlerons également de l'or. Je vous appelle du Finistère. En août 2017, j'ai ouvert une boutique de robes de mariée. J'ai été démarché par un commercial qui prétendait réaliser des cartes détachables avec mes coordonnées et mon logo avant de les déposer dans 10 000 boîtes aux lettres de mon secteur géographique. Je l'ai payé et il n'a jamais respecté le contrat. Jérôme et Laure ont besoin d'un cadeau de Noël et nous allons essayer, bien sûr, de leur offrir ce cadeau de Noël, à savoir... résoudre leur cas. Pour cela, la mère Noël est là, Maître Felonneau. Bonjour. Les deux pères Noël, Bernard et Hervé, toutes les équipes d'Alain Hazard aussi. Alors à vous tous, joyeux Noël. Happy holidays. Et rappelons que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans l'émission, Charlotte, en faisant en direct le 32-10. 50 centimes d'euros la minute. Charlotte qui est devenue bonjour. Céline en l'espace enchantée. D'une seconde. Moi, j'ai rien vu venir. Charlotte, je ça va là. Mais oui, oui je va. Vous vois, si vous étiez cachée derrière la bonnette du micro. Eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant démarrer avec Jérôme qui est en ligne avec nous. Jérôme, bonjour. Bonjour Julien. Jérôme, je n'exagère pas en disant que c'est quand même un petit cas d'urgence ce qui vous arrive, parce que là, au niveau trésorerie, ça va faire très mal, et vous allez l'expliquer d'ailleurs aux auditeurs d'RTL, Jérôme. Allez-y. Merci Jérôme, et bonne journée à vous tous. On a bien compris, c'est un cas effectivement très difficile. Allez-y Jérôme, expliquez-moi, je vous en prie. Alors, le 11 juin, un compteur Linky a été posé donc dans notre entreprise, et début juillet, je reçois une facture de 6200 euros de mon fournisseur d'électricité. Après vérification et contrôle, Enedis a reconnu qu'il y avait une erreur, et a donné l'accord à notre fournisseur d'électricité pour nous rembourser. Et depuis ce jour-là, je relance toutes les semaines, et on nous répond que notre dossier est à l'étude. Alors c'est une grande première, Maître Felonneau, parce que nous avons, depuis maintenant que l'émission existe, depuis la nuit des temps, eu énormément de gens qui se retrouvaient avec des factures comme ça, un petit peu abusives, mais sans que la société reconnaisse. Et là, apparemment, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors c'est clair comme de l'eau de roche, effectivement. C'est même acté au terme d'une facture envoyée par... un récapitulatif, en fait, un relevé de compte envoyé par la compagnie d'électricité, où il indique bien un solde en faveur de Jérôme de 6 045,91 €. Mais ça, c'est le 31 octobre, mais en un mois après, il ne se gêne pas pour le débiter une somme de, alors, deux fois, 550 et 1 526 €. Soi-disant à titre de provision, il n'a jamais fonctionné comme ça. Lui, il payait des factures au réel tous les mois. Et on lui fait maintenant des systèmes de paiement qu'il n'a jamais agréés et qui sont totalement dénués de sens. Donc, il faut qu'il rembourse parce que, entre nous soit dit, on est passé en un mois de 6 000 à 3 900. Alors, donc, on lui doit 6 000 et quelques. Quelles sont les conséquences sur votre vie de tous les jours, mon Jérôme ? Ben, c'est pas facile. Nous, on a créé cette société il y a quelques mois. On a besoin de cette trésorerie pour acheter du stock, tout simplement, comme toutes les entreprises de France. Mais alors, quand vous les avez au téléphone et que vous leur expliquez, on s'était mis d'accord sur le remboursement, tout va bien, où est le problème ? Votre dossier est à l'étude, on me répond. Ah, et quand je réclame et que je dis je reste au téléphone, je ne raccroche pas, on me répond toujours très gentiment, nous allons mettre fin à la conversation et on me raccroche au nez. Bon, ça c'est pas normal. Donc vous êtes sur le coup, Hervé Pouchol, c'est parti. Vous préparez le numéro avec Charlotte. Dans une seconde, opération Jérôme. Nous allons donc essayer d'avoir ce remboursement en urgence de 6 045 euros. Nous allons lancer l'appel et nous passerons bien sûr immédiatement au cas numéro 2. Il s'agira de quoi, Céline ? C'est Laure qui tient une boutique de robe de mariée. Pour se faire un peu de publicité, elle a payé pour une distribution de flyers. C'était il y a un an. Les flyers n'ont jamais été distribués. Eh bien voilà, une semaine qui démarre fort en ce lundi 3 décembre. Nous sommes en direct. Vous écoutez la radio qui, chaque matin, par la négociation, la bonne humeur, le bon sens, essaie de régler tous vos problèmes. N'hésitez pas. Vous pouvez faire le Facebook, la page Ça peut vous arriver, c'est gratuit, ou RTL.fr. Allez, opération Jérôme, nous lançons le coup de fil après ceci. Why don't you believe me when I say that I love you?

Survivre, Daniel Balavoine sur RTL. Nous étions toujours sur le premier cas, celui de Jérôme. Qui vient tout juste d'ouvrir sa société. Énorme trou dans sa trésorerie. Un fournisseur d'électricité lui doit 6 045 euros. Avons-nous du nouveau, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Alors écoutez, j'ai un dialogue assez curieux avec Gaëlor, qui est du service client de Direct Énergie, que je vais vous passer. Ah ben bonjour Gaëlor, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, bonjour. Ouais. Alors bonjour Gaëlor. Gaëlor, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct, je viens de vous le dire, sur RTL, et j'essaie d'avoir un interlocuteur pour que Jérôme, comme cela a été prévu d'ailleurs, puisse avoir son remboursement de 6 230 euros. À qui puis-je parler, s'il vous plaît, monsieur? Alors, vous êtes... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... J'aimerais déjà avoir la référence client du... Oui. Du monsieur, s'il vous plaît, pour que je puisse vérifier son... Alors, je vous la donne. Où en est son niveau de relance. Vous avez votre... Vous avez de quoi noter? Oui, bien sûr. Alors, 10, 49, oui. 99, oui. 504. Oui. C'est bon? D'accord, je lance la recherche. Donnez-moi juste le temps d'accéder au dossier. Je vous en prie. Alors, le temps que vous accédez au dossier, vous récupérez. Donc, dans une seconde, nous aurons monsieur. Ça tombe bien. Nous avons une toute petite pause à faire. Le cas numéro 2 est en train de se préparer une belle robe de mariée. Elle est sublime. Un beau prospectus. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu pour la boutique. C'est l'heure qui a payé 468 euros à une société pour qu'on lui distribue des flyers pour sa fameuse boutique, pour faire de la pub. Les flyers n'ont jamais été distribués. 468 euros perdus. Alors, est-ce que ce monsieur est revenu, Gaëlor? Vous avez pu retrouver le dossier ou pas du tout? Non, parce que la machine mouline un petit peu, donc il m'a demandé quelques minutes. Bon, Gaëlor, il est l'heure de rembourser. Alors, nous attendons que Gaëlor revienne. J'accueille donc Laure sur l'antenne d'RTL. Et donc, Gaëlor, Laure, oui. Aujourd'hui. Bonjour, Laure. Bonjour. Laure, est-ce vous sur ce prospectus que j'ai sous la main? Car si c'est vous, je vais changer le principe de l'émission, je vais venir régler les problèmes à domicile. Mais vous êtes encore plus belle encore que cette jeune femme. Racontez-nous, Laure, je crois qu'en août 2007, vous avez décidé d'ouvrir une boutique de robes de mariée. C'est ça, dans le Finistère, et j'ai quelqu'un qui est venu me démarcher par téléphone d'abord, et puis il est venu me voir. Et ça paraissait sérieux, et donc j'ai payé. C'était valable à partir du mois de janvier. Et on est en décembre, et il n'y a toujours rien de paru. Alors, quand vous les appelez, est-ce qu'ils vous disent « Mais si, ça a été distribué, vous ne les avez pas vus, ils ne vous disent rien », qu'est-ce qui se passe exactement? Non, j'ai que le commercial en ligne, et à chaque fois, c'est « Oui, on sait bien, mais on a pris du retard, on est désolé », et voilà, c'est à chaque fois la même excuse, et on n'arrive jamais à répondre et à s'énerver, en fait, au bout d'un moment. C'est un grand classique, Maître Fellonneau. J'ai envie de vous dire qu'en 20 ans, on a eu l'occasion de faire une bonne petite centaine de fois ces prospectus, ou bien ce sont des nappes de restaurants. Ce n'est pas distribué dans le bon département, ce n'est pas distribué du tout, il n'y a pas la bonne adresse, c'est une catastrophe. Alors là, qu'avez-vous à nous dire avant qu'on lance l'appel, s'il vous plaît? Je vois, ceci étant dit, qu'en parlant de robe de mariage, vous êtes très dénudée ce matin. Oui, mais c'est-à-dire qu'ici, c'est un sauna. Hein, écoutez, elle est habillée... Si vous vous habillez, Regardez, si le 3 décembre vous vous habillez comme ça, inutile de vous dire que le studio sera plein pour venir vous voir mi-juin, parce que je ne sais pas ce que vous allez mettre. Elle a un petit truc sans manches, très léger. C'est bon, allez-y. Bon, arrêtez alors... Mais ne dénoncez pas les autres. On parle de vous. Je allez-y. Ne suis pas la seule. Donc, ce que j'en pense, c'est que les conventions, c'est le Code civil maintenant qui le dit dans son article 1104, doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Or, Julien, dans cette affaire, ça ne me semble pas le cas à aucune des étapes de cette convention. Il n'est pas prévu de délai

j'ai des éléments que je peux communiquer directement à notre client, mais sinon appelez le siège. J'ai appelé le siège. J'ai eu une personne de la direction, on doit avoir du nouveau d'ici 20 minutes. Merci Direct Énergie de nous répondre, parce que là, mettez-vous à la place de ce jeune entrepreneur. Je ne pense pas que cette société soit là pour plomber, mais au contraire pour aider les professionnels à avancer. Il a un trou de trésorerie de 6 000 euros. Deuxième cas, celui de la robe de mariée, mais en fait du prospectus de la campagne de publicité qu'on est venu lui vendre. Des prospectus qui n'ont jamais été distribués et pourtant Laure a payé 468 euros pour rien. Mais c'est parti, l'appel est donc lancé, ça y est, Charlotte est en train de le faire. Nous allons essayer d'avoir cette société publicitaire, ça sonne. Est-ce que quelqu'un va répondre? Car il n'y a pas pléthore de numéros, hein. On n'en a qu'un je crois. Oui, c'est le seul malheureusement. Mais on l'a eu ce matin donc... Très bien, alors espérons qu'il nous réponde maintenant. Sinon, on retentera. Attention, c'est juste à côté de chez vous, Bernard Sabat, de votre domicile, carrément. C'est vrai, je le dis, monsieur. Ma femme est là-bas. Le joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Alors, nous allons pas laisser de message. Raccrochez, vous essayez non-stop. Ne vous inquiétez pas, alors. Hein. Là, on essaie de l'avoir au téléphone, s'il le faut. Je sortirai le porte-voix. C'est du tribunal de commerce, à société contre société. Oui, c'est deux commerçants, effectivement. Il y a la procédure de référé qui permettra d'obtenir un titre rapidement. Parce que non seulement ils ont mis 9 mois et demi avant de lui envoyer le bon à tirer, mais dans le contrat, ils ont ensuite 30 jours pour publier la publicité, pour faire les flyers. Or, on est largement après le 4 septembre qui a été la date d'envoi de ce bon à tirer. Bon, remettez-moi Maître Fellonneau là tout à l'heure quand elle nous a un petit peu parlé, la façon dont elle prononce un peu les mots. Écoutons. En un mois après, il se gêne pas pour le débiter. Ah oui, le débiter. Allez, on se retrouve dans une seconde. Il y a d'autres cas à faire. Il y a notamment l'arnaque en temps réel. Ça, je vais vous en parler dans quelques secondes, c'est-à-dire tout de suite. Mais je voudrais déjà qu'on s'attache au troisième cas sur lequel nous allons plancher, Céline. On fera un retour sur le dossier de Jean-Marc. Il gère un magasin de réparation de deux roues. Un client l'a d'abord payé avec un chèque en bois, puis avec un chèque qu'il a déclaré comme volé. Énorme ce cas. 8000 euros, condamnation. Ah, c'était un chauffeur de taxi moto, je crois. Oui. Par la suite, il a même monté un bar à chicha. Ce monsieur, je ne sais pas où on en est, mais il me tarde de le savoir et nous allons le découvrir ensemble. Voici l'arnaque en temps réel maintenant. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h sur RTL. Notre journaliste JB, qui a le nom d'une bouteille de whisky, nous signale que dans le site d'information normand 76 Actu, nous apprenons qu'un couple près de Rouen a vécu un véritable calvaire pendant 6 mois. Tout a commencé quand ces jeunes gens ont mis en vente leur maison début 2018 sur le Bon Coin. Au bout de 3 jours, une famille s'est montrée intéressée au point de signer un compromis devant un notaire. Les acquéreurs affirmaient qu'ils allaient payer le bien comptant, soit 235 000 en une fois. Problème, les semaines passées sans qu'il n'y ait le moindre versement. Et un beau jour, ils ont appelé les vendeurs en panique pour leur dire qu'il fallait qu'ils emménagent tout de suite parce qu'ils allaient se retrouver à la rue. Le couple les a crus et leur a laissé les clés. Voilà. Résultat, les pseudo-acquéreurs ont changé les serrures et ont remis un dédommagement de 600 euros. Ils n'ont jamais rien payé. Les propriétaires de la maison ont fini par annuler la vente tout en exigeant de cette famille qu'elle quitte les lieux. Mais il aura fallu le passage d'un huissier et une ordonnance d'expulsion pour que les squatteurs plient bagages. Maître Benamou nous le dit souvent, quoi qu'il arrive, même quand ce sont des amis, on ne laisse malheureusement jamais, jamais, jamais les clés. Car une fois que la personne est dedans, et c'est une règle d'or maintenant que va vous expliquer Maître Fellonneau. La règle d'or sur RTL. Parce que beaucoup se disent, mais attends, ils rentrent dedans, mais moi j'ai qu'à le sortir. Eh bien non. Ah bah certainement pas, parce que là vous commettriez une voie de fait. Ces gens-là, bien que rentrés chez vous par ruse et par effraction presque, eh bien ils sont pour l'instant en toute tranquillité dans les lieux tant qu'il n'y a pas une ordonnance d'expulsion. Et ce que nous révèle encore ce fait divers, c'est que la décision de justice ordonnant l'expulsion des squatteurs, ça a été assez facile à obtenir. C'est l'exécution, parce qu'il faut le concours de la force publique pour pouvoir rentrer. Et donc, il faut un huissier, il faut un commissaire de police, etc. Et surtout, l'autorisation du préfet. Et bien, effectivement, cette autorisation, elle tarde vraiment souvent à venir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une fois sur cette antenne, pour vous dire que parfois on marche sur la tête, nous avions traité le cas d'un homme qui était parti, je crois, en vacances ou retrouver sa famille. Quand il revient, il y a des gens dans sa maison qui avaient cassé un carreau et qui s'étaient installés. Eh bien, il ne pouvait plus y re-rentrer, c'était sa maison. Hein, parce qu'il fallait... Et donc, nous avions appelé la mairie

90% des personnes interrogées estiment que les réponses de l'exécutif ne sont pas à la hauteur. Sachez qu'en Bretagne, dans le Finistère, le préfet ordonne des restrictions sur le carburant. Des raffineries sont bloquées, du coup de plus en plus de stations-service sont à sec, d'où cette mesure. La mobilisation continue en région, encore de nombreux barrages filtrant un peu partout en France. Autre colère qui s'exprime aussi depuis plusieurs semaines, celle des ambulanciers. Plus d'une centaine de véhicules bloquent la place de la Concorde depuis ce matin à Paris. Ils ne veulent pas de l'ubérisation de leur métier et demandent une suspension de la réforme du financement des transports sanitaires. Celle-ci, selon eux, menace les plus petits du secteur. Dans le reste de l'actualité, le procès du Lévothyrox s'ouvre à Villeurbanne. Aujourd'hui, procès gigantesque puisque 4000 plaignants ont attaqué le laboratoire Merck pour défaut d'information sur les effets secondaires de la nouvelle formule. Pour accueillir tout le monde, les audiences se tiendront dans la salle des congrès de la ville. En foot, l'entraîneur de Rennes, Sabri Lamouchi, mise à pied. Sanction immédiate après la déroute du club breton hier face à Strasbourg, battu 4-1 à domicile. C'est Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe de réserve, qui va assurer l'intérim. Rennes est désormais 14e au classement. La Bourse de Paris ouvre en forte hausse ce matin, plus 2,17%. Le CAC 40 s'établit à 5112 points. La météo de ce lundi, encore en temps agité pour la plupart d'entre nous, avec nuages, averses parfois orageuses du nord de la Seine au Grand Est. En revanche, temps assez calme et assez lumineux des départements pyrénéens, des côtes de l'Occitanie à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce soleil qui gagnera la Corse dans l'après-midi et la vallée du Rhône. Côté température, c'est plutôt doux hein, pour un 3 décembre. 13 au Havre et Aurillac, 14 à Lille et à Rennes, 15 à Paris et Dijon, 16 à Strasbourg, 17 à Bordeaux et Nice, 18 à Toulouse, 19 à Montpellier ou encore 21 à Perpignan. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Colas Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Colas Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses ont lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Bernard Glass. Le 4, le 9, le 18, le 8, le 15, le 13, le 3 et le 5. Dernière minute, le 13. Il est 10h03 sur RTL. Ça peut vous arriver la suite avec Julien Courbet et toute son équipe. Merci beaucoup Agnès. À tout à l'heure 11h pour d'autres infos. Vous avez choisi la radio qui aide ses auditeurs. Chaque matin, entre 9h30 et 11h, de la bonne humeur certes, de l'efficacité, du dialogue, pour essayer d'arranger toutes les situations. Et d'ores et déjà, à maintenant J-22, bon Noël. Le point sur tous les cas. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré à 9h30 avec Jérôme. Son fournisseur d'électricité lui doit 6 045 €. Où en est-on avec nos amis de Direct Énergie? Puisque nous n'avons pas réussi par le standard, la personne ne voulant pas nous parler, nous avons essayé, Hervé Pouchol, d'appeler le siège. Je viens de recevoir à l'instant un message de confirmation de l'appel que j'ai passé à Frédéric. Bien reçu Hervé, on regarde immédiatement ces éléments, on revient vers vous le plus rapidement possible. Dans quelques minutes, nous aurons donc normalement du nouveau Jérôme. Laure a ouvert une boutique de robes de mariée. Et elle a payé 468 € pour la création et la distribution de flyers. Depuis un an, il ne se passe rien. Où en est-on s'il vous plaît maintenant, Bernard? Ouais, écoutez, que ce soit Hervé, Charlotte ou moi-même, on essaye ce portable du commercial qui ne répond pas, Julien, pour l'instant. Nous attendons encore un petit peu. Duplex possible demain, mais sinon je sortirai le porte-voix. Laure doit patienter encore un petit peu. Nous allons attaquer un troisième cas, si vous le voulez bien. Un retour sur Jean-Marc. Il est passé la semaine dernière dans le 9h30-11h. Il attend 9 566 €. Très très gros dossier. 9 500 €, 8 000 il y avait, plus la condamnation, hein, le tribunal qui a augmenté. Ce monsieur ne paie pas pour l'instant. On l'a eu, il nous avait raccroché au nez quand on lui avait posé quelques questions qui fâchent. Nous allons voir si le dossier a évolué. A tout de suite sur RTL. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, grâce à l'assurance 24 heures mobile, j'ai pu remplacer mon mobile que tu as cassé quand il est passé sous ta luge. Bah moi, avec l'assurance 24 heures mobile, le mien a été remplacé en 24 heures quand tu l'as fait tomber dans la neige. Oui, bah j'aurais bien voulu qu'ils en profitent pour te remplacer. L'assurance 24 heures mobile Orange remplace votre mobile en 24 heures en cas de casse, vol ou oxydation à partir de 2,99 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Assurance du mobile utilisé sur la ligne Orange. Engagement 12 mois, contrat d'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff, conditions en boutique et sur orange.fr. Le Leclerc. Chérie, regarde, j'ai acheté des assortiments de chocolat Champs-Élysées de Lindt chez Leclerc. Mes préférés. Et avec 50% de remise immédiate sur la deuxième boîte achetée, j'en ai même pris deux. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 4 au 15 décembre, la boîte de 469 grammes d'assortiments de chocolat Champs-Élysées de Lindt est à 11,95€, soit 25,48€ le kilo. Avec en plus 50% de réduction immédiate sur la deuxième boîte achetée. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Mais c'était pas pour Noël? Tant pis. Pour votre santé, bougez plus. La Grande Récré. Depuis plus de 20 ans, au moment des fêtes de Noël, l'association La Grande Récré pour l'enfance collecte des jeux et jouets pour les enfants en difficulté. Déposez-les dans la Hotte de l'Amitié, dans l'un de nos 130 magasins La Grande Récré partout en France. Un grand merci pour les enfants et joyeux Noël à tous. Liste et adresse sur lagranderécré.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL et nous allons donc revenir sur cette histoire d'impayé puisqu'au départ il y a un garagiste. Ah, attendez, il y aurait peut-être une alerte, non, il n'y en a pas. Nous avons donc Jean-Marc qui nous avait appelé, qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Marc, vous nous aviez appelé, vous gérez un magasin spécialisé dans la location et la réparation des deux roues. Un client, il y a une alerte Jean-Marc, je reviens vers vous dans une seconde, je me doutais qu'il y allait y avoir quelque chose, allons-y. C'est sur le cas numéro 2. Oui. Exactement, c'est Monsieur Brunois, le commercial Julien. Bonjour Monsieur Brunois. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Monsieur Brunois. Je vous appelle car je suis avec Laure, voilà, il a raccroché. Alors, donc maintenant, au moins c'est clair, on peut, voilà, nous lui avons laissé la possibilité de s'exprimer, je me suis présenté, je lui ai donné le contexte, il a raccroché. Nous allons faire comme si c'était une erreur technique et le rappeler, mais il s'agit de Monsieur Brunois, B-R-U-N-O-Y, qui est commercial de la société FM Communication, qui se trouve dans le 17e à Paris, et dont le gérant est Frédéric Moise. Alors, on réessaie. Monsieur Brunois, merci, il n'y a rien de grave. On essaie juste de savoir ce qui se passe avec Laure, à qui on a pris 468 euros pour de la publicité jamais perçue. Alors, vous continuez, vous avancez, et pendant ce temps-là, je reviens sur Jean-Marc. Il a donc un magasin spécialisé dans la location et la réparation de roues. Quelqu'un vient lui porter ses énormes motos, qui sont des motos-taxis. Oui. Il y a beaucoup de réparations. Le montant de la réparation est de 7000 et quelques euros. C'était un accident. Hein. Donc, il fallait avoir une expertise de la compagnie d'assurance, chose qui a été faite. L'assurance a donné son accord sur le montant des travaux. Et pour se garantir du paiement de la facture, notre ami s'est fait donner deux chèques. Un de 1500 euros et un autre de 6000 et quelques euros, de façon à se dire, ben voilà, le temps que vous perceviez l'indemnité d'assurance, voilà, j'aurai déjà les chèques quand votre compte sera provisionné, je les encaisserai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, il a encaissé le premier chèque comme convenu. Le chèque est revenu, mais tardivement d'ailleurs, au moins trois semaines après, avec la mention chèque impayé pour compte clôturé. Et il s'est aperçu que c'était un chèque au nom d'une société fermée, qui avait été fermée depuis, mais pas depuis 15 jours. Ça, c'est du pénal. Depuis hein. 4 ans au moins. Et ensuite, il y avait un deuxième chèque. Et lorsqu'il a voulu le présenter au paiement, eh bien, il est revenu avec la mention opposition pour chèque perdu. Donc, il a donné le chèque en main propre au commerçant, ce monsieur. Et ensuite, il est allé voir sa banque en disant « je l'ai perdu ». Bon, ça fait beaucoup. Et le premier, c'était le chèque d'une société qui était fermée depuis 4 ans. Il y a eu une condamnation du tribunal. Oui. Donc, ce monsieur a été condamné à rembourser la réparation avec augmentation même, puisqu'en tout, il doit être... il y en a pour 9 566 euros. Alors, on a appelé la semaine dernière, vendredi ou jeudi, ce monsieur. Alors, il a commencé à parler avec nous. Il nous a dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. On lui a dit, est-ce que vous avez eu le jugement? Non, j'ai pas eu le jugement. Il y avait Maître Fix, l'huissier, qui était en ligne avec nous, qui nous a dit, si, il l'a eu, puisque mon confrère lui a remis personnellement. Et quand je lui ai posé la question, expliquez-nous comment vous avez pu faire un chèque sur une société qui était fermée depuis 4 ans. Là, il a raccroché et ça a été terminé. On n'a pas pu le joindre. C'était M. Abdelkader Guédoni. Alors, on attendait également, JB, des nouvelles de la banque. Alors, juste, je demande à Maître Félonneau pourquoi la BNP devait intervenir dans ce dossier. Alors, la BNP, c'est la banque de ce monsieur, du chauffeur de taxi, de moto-taxi. Donc, c'est elle qui avait été obligée de respecter l'opposition pour perte faite par son client. Et quand elle elle a eu l'ordonnance, elle a été elle-même condamnée par le tribunal de grande instance de Créteil à lever cette opposition et on attend de savoir si elle l'a fait. Nous avions eu la boutique, nous avions eu la banque locale qui nous avait dit on ne vous parle pas. Exactement, et on a eu quelqu'un de la direction avec l'équipe de Bertrand Cizeau et aussi Olivier Durbis, le patron régional. Ils nous ont promis qu'on devrait avoir un mail dans la journée. Alors, donc j'attends encore un petit peu. On commence par JB de l'équipe du 9h30-11h. Qu'avez-vous à nous dire ce matin ? Eh bien, figurez-vous, Julien, que ce monsieur m'a rappelé vendredi et nous avons discuté pendant une bonne demi-heure. Alors, je parle d'Abdelkader Guédioni. D'accord. Comme il ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne, malheureusement, je vous résume ce qu'il m'a dit. Il m'a d'abord expliqué qu'il essayait de joindre Jean-Marc depuis 3 mois pour le payer. Il m'a aussi dit qu'il conteste formellement la facture de notre auditeur de 7 566 €. Alors top, je vous arrête une seconde. Le problème est qu'il la conteste ou qu'il ne la conteste pas, ça a été jugé. Donc voilà, s'il s'était rendu sur place, je ne sais pas s'il était au tribunal, s'il avait un avocat, mais il y a un juge qui a décidé que c'était temps. Je n'ai pas l'impression qu'il ait fait appel. Alors, l'ordonnance ne portait pas sur le bien fondé de la facture. L'ordonnance, elle portait simplement sur l'opposition frauduleuse, avec obligation d'avoir une main levée, et à défaut d'obtenir cette main levée, ou si la main levée révèle que le compte maintenant n'est plus provisionné, une condamnation réitérée effectivement de ce monsieur à payer. Alors, pour résumer, s'il a déclaré le chèque perdu, c'est parce qu'il estimait que Jean-Marc essayait de se faire de l'argent sur son dos. Bref, aujourd'hui, ce monsieur se refuse à régler les 9 566 € qu'il était condamné à verser. Il se dit prêt, en revanche, à régler 5 000 € sur présentation d'une facture qu'il considère comme réelle, plus les frais de justice. Alors, j'ai invité M. Guédioni à faire ses propositions directement. Plus les frais de justice. Voilà, c'est ça, 7 000 en gros. Alors, Maître Fellonneau. J'ai quand même une observation à faire, c'est que très visiblement, le montant de la facture de Jérôme coïncide avec l'évaluation faite par l'expert d'assurance, et il apparaîtrait surtout que M. Abdelkader a, lui, perçu l'indemnité de 7 000 et quelques euros. Donc, en fait, il a du mal à contester cette facture. Quant au Il faut vérifier ça. Attendez, parce que ça, c'est super important. Donc, nous avons un chèque en bois fait d'une société fermée depuis 4 ans. Nous avons un chèque que l'on va dire perdu à sa banque, alors qu'on ne l'a pas perdu, puisqu'il l'a remis lui-même à notre commerçant qui nous écoute, Jean-Marc. Et apparemment, il se pourrait, mais je mets ça au conditionnel, que monsieur donc Abdelkader Guédioni ait touché l'argent de l'assurance, puisque on est bien d'accord, Jean-Marc, que vous vous êtes basé sur un rapport d'expertise que j'ai sous les yeux. Mais tout à fait. D'accord. Mais alors, est-ce que vous savez s'il a touché ou pas l'argent ? Alors, si vous voulez, cette affaire commence depuis le mois de février 2018 quand même. Le premier chèque, il est passé, 3 semaines après, compte clôturé. On essaye de rentrer en contact avec lui. Jean-Marc, on la connaît l'histoire, on l'a répété 3 fois. Dites-moi juste, est-ce que vous pensez qu'il a touché l'argent ? L'assurance me l'a écrit. Et c'est quand l'assurance me l'a écrit que nous avons présenté le chèque. Donc l'assurance vous a écrit quoi exactement ? L'assurance m'a écrit, elle nous a confirmé qu'ils lui ont payé la somme de l'accident qui correspond à la facture qui a été envoyée à l'assurance, moins la franchise de 400 euros. Je crois, c'est quelle assurance ? De mémoire, c'est Soli Hasard. Bon, alors je crois qu'il faut les appeler parce que qu'est-ce qui se passe quand on apprend à une assurance qu'elle a donné de l'argent qui n'a pas été donné au garagiste ? Affecté, effectivement. Ah ben alors ça peut être, à mon avis, d'abord quelque chose d'extrêmement mauvaise foi. De la passer au pénal, je ne suis pas tout à fait sûre. Mais en tout cas, vis-à-vis de notre ami, c'est un abus de confiance puisque en fait, il a tout fait pour dire je vais vous payer. On attend l'indemnisation d'assurance. Puis une fois que l'assurance arrive, il n'y a plus rien. Alors, vous aviez quelque chose, Bernard, vous, à rajouter ou pas du tout là-dessus ? Écoutez, j'attendais justement depuis vendredi après-midi ce fameux mail justement de la BNP. Pour l'instant, je n'ai rien, Julien. J'espère qu'ils vont réagir en écoutant encore l'émission. De toute façon, vous l'avez compris, ce qui est devenu prioritaire et chaque jour, nous allons faire un point là-dessus. Donc, nous attendons que M. Abdelkader Guédioni nous rappelle pour nous dire si oui ou non il a touché l'argent de l'assurance, ce qui serait grave parce que là, il plante complètement un commerçant. Il a touché de l'argent, il gagne sur les deux tableaux. Nous attendons que la BNP nous rappelle pour nous dire, alors qu'il y a eu un jugement, est-ce qu'ils ont levé ou pas l'opposition. Et nous attendons également maintenant un appel à Soli Hasard pour qu'il nous confirme qu'ils ont bien donné l'argent. Rapidement, Maître Fellonneau. L'information de la BNP est essentielle parce que Jérôme a redéposé en banque ce chèque en disant est-ce que cette fois-ci l'opposition va me permettre de l'avoir. Hervé, une alerte, que se passe-t-il ? Une alerte sur le cas numéro 1, Jérôme. Le cas numéro 1 de Jérôme. C'est un problème avec son fournisseur d'électricité qui reconnaît lui devoir 6 045 euros mais qui ne paye pas. On peut se retrouver

Après, comme ce sont des volumes importants, ce sont des cas qu'on traite manuellement, qui sont un peu compliqués, ça a pris du temps. On a effectivement annulé une facture pour que monsieur ait un remboursement de 6 000 euros, qui est en cours, mais qui a aussi demande des vérifications, parce qu'on a des contrôles, hein, pour éviter que les sommes importantes soient libérées. Il faut bien vérifier tout ça. Et donc là, on va s'engager à le rembourser aujourd'hui. Je fais le nécessaire. En revanche, il faut qu'on vérifie, parce qu'effectivement, entre-temps, il y a eu deux autres factures. Et on a vérifié qu'effectivement, d'habitude, ce sont des factures de 600 euros. Et là, il y a eu une consommation importante du 12 août au 12 octobre, inhabituelle. Et là, c'est un compteur qui nous renvoie les index. Hein, donc, on a des index. Donc, il faut qu'on vérifie ça. Donc, le remboursement qui va partir et ce qui reste après ces factures, c'est un remboursement d'environ 3 900 euros. Et on va vérifier avec monsieur tous ces index pour comprendre la consommation depuis le 12 août. D'accord. Est-ce que ça vous va, Jérôme ? Oui, bien sûr, ça me va. Mais non, il n'y a pas eu de surconsommation puisque c'est un magasin. Nous, on consomme de l'électricité, du chauffage ou de la clim. Donc, au mois d'août, c'était de la climatisation, bien sûr. Mais non, on n'a jamais dépassé 600 euros de facture d'électricité tous les deux mois. Et là, on nous réclame 2000 euros. Donc, je vais aller moi-même relever le compteur. Je vais faire des photos et je vais envoyer à ces personnes-là. Voilà. Si j'arrive à avoir un contact, je vais envoyer les relevés. Madame, en tout cas, on ne va pas épiloguer là ce matin. Il faut vraiment, les 6 000 euros, il en a besoin en trésorerie, c'est une cata pour lui. Et essayer d'avoir un interlocuteur qui puisse lui parler parce qu'il a du mal à vous joindre, d'accord ? Parce qu'il tombe sur quelqu'un qui lui dit à chaque fois je veux en parler à un supérieur et pour lui maintenant ça devient très compliqué. Vous avez au téléphone, vous avez mon portable. D'accord. Ce que je peux dire à Jérôme, c'est que son cas est traité, que le remboursement de ce qu'on a aujourd'hui en comptant, à savoir plutôt 4 000 euros, va partir aujourd'hui et que pour le reste, on va repointer avec lui. Je vais le faire rappeler. Mais pourquoi aujourd'hui. Que 4 000, madame ? Maître Fellonneau vous parle. Bonjour, madame. Effectivement, je vois qu'il y a des factures qui ont été débitées, des factures assez normales comme montant, mais d'autres, dont une de 1 500 et quelques, qui correspondraient à une estimation. Et ça, c'est quand même très curieux parce que finalement, ça fait 4 factures pour le mois d'octobre. Ça fait peut-être un peu beaucoup trop. Et effectivement, c'est comme ça que vous passez de 6 000 et quelques à 9 000. À 4 000. Ok, allez vérifier ça, mais faites en sorte qu'il ne soit pas planté. Okay. Sachant que c'est un compteur limité et qu'on a les relèves réelles, donc ça va être très facile. Parfait. Jérôme, on est quoi ? On est lundi. Jérôme, mercredi, on se fait un point avec Direct Énergie sur l'antenne d'RTL. Ça vous va, Jérôme ? Entendu, parfait. Allez, à mercredi. D'ici là, j'ose espérer quand même qu'on aura pu régler ce mystère. Merci, madame, de nous avoir parlé. On se retrouve pour faire des règles d'or avec vous, Maître Fellonneau, après avoir écouté Georges Ezra et Shotgun sur RTL. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by. see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. C'est une nouveauté, c'est Georges Ezra, c'est Shotgun sur RTL. Et nous avons une alerte. Sur quel dossier, s'il vous plaît, Céline, revient, sur RTL? On revient sur le dossier de Jean-Marc. Il attend 9 566 euros. Il gère une société de réparation de deux roues. Le client ne le paye pas. Pourtant, il aurait touché l'argent de l'assurance. Et nous avons appris qu'il y a eu un premier chèque qui a été fait sur une société qui était fermée pourtant depuis 4 ans. Il y a eu un deuxième chèque qui a été fait, qui a été déclaré perdu alors qu'il l'a remis en main propre au commerçant. Et nous avons appris également que la personne qui ne veut pas payer dit « Je ne paierai pas ce prix-là, c'est trop cher », alors que son assurance lui a donné le prix de la réparation. Il l'aurait peut-être encaissé. Et c'est justement ce que nous voulons vérifier. Est-ce que l'assurance a donné l'argent de la réparation à M. Abdelkader Guedioni, qui ne l'aurait pas redonné derrière et qui aujourd'hui dit « je ne paierai pas » ou en tout cas « je ne veux payer que la moitié ». Qui a du nouveau? C'est vous, Charlotte. Nous avons joint cette assurance Soliazar qui nous a confirmé qu'elle avait indemnisé directement son client, donc M. Guedioni, à hauteur de la facture fournie par Jean-Marc, 7 566 euros. Voilà. Donc, si je résume, M. Abdelkader Guedioni a touché 7 566 euros de son assurance qu'il n'a pas redonné à Jean-Marc et aujourd'hui il nous dit « je ne donnerai que 5 000 ». Je conteste la facture. Parce que je conteste la facture, c'est-à-dire qu'il se ferait 2 000 euros de gratte sur l'argent de l'assurance. Il n'a pas contesté. Alors, le rapport d'expertise. M. Abdelkader Guedioni, merci de très vite nous tenir au courant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Parce que s'il le réattaque, c'est grave quand même. Alors là, pour l'instant, effectivement, il a déjà un titre qui lui permet de saisir tout ce qu'il pourra saisir dans le patrimoine de ce monsieur dont on rappelle qu'il est chauffeur de taxi-moto. Ah, plus maintenant. Alors, si, il est encore. Nous, on a. Il avait... Je croyais qu'il avait ouvert un bar à chicha. Ah non, le bar à chicha, c'était avant. Il l'a vendu. Alors, d'accord. On peut faire opposition sur ce fonds de commerce. On peut, pour qu'il touche un peu moins que le prix qui est de 100 000 euros. On peut essayer de bloquer les cartes grises de sa moto. Mais est-ce que l'assurance, elle a le droit de dire vous me rendez l'argent si vous ne l'avez pas donné? Non, ça marche. On va se retrouver dans quelques instants. Dites donc, chaque jour, on a un petit truc supplémentaire. Oui. D'abord, il y a eu le chèque qui a été déclaré perdu. Guedioni. Aussi. Il a fait un deuxième chèque sur une société fermée. Guedioni. Aussi. Quand l'assurance a payé, il a gardé les billets. Guedioni. Aussi. Il faut l'appeler dans une seconde. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Vianney, vous avez quelque chose à demander à Big Flo et Oli? J'ai une vraie question pratique. On chante ensemble à Bercy la samedi. Je sais toujours pas ce qu'on fait. Tenez-moi au courant, je vous embrasse. Eh bien, on va leur poser la question parce que Big Flo et Oli sont dans À la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr. Carrefour. Chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les alcools. Non mais c'est dingue, 10 euros en bon d'achat sur tous les alcools. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? C'est moi. Dès demain, avec votre carte Carrefour, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les alcools. Carrefour. Hors vin, bière, cidre, mousseux et champagne, offre limitée à 90 euros d'achat. Bon d'achat valable du 10 au 16 décembre, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Rentrer chez soi, savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repasser comme on l'aurait fait, sauf que l'on n'a rien fait. Sinon, demander et être écouté, être compris, être conquis. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local ou sur shiva.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne journée sur RTL. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunch Traiteur. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année, Flunch Traiteur. Quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine, Flunch Traiteur. Votre fils a eu la moyenne en maths, Flunch Traiteur. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunch Traiteur. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiteur.fr. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficie aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et ça bouge dans tous les sens et parfois les dossiers, vous l'avez vu d'ailleurs, hein, nous allons faire un point sur cette histoire de moto. Donc là, Maître Filonneau, avec tout ce que nous avons sur ce que nous venons d'entendre, donc un chèque qui est fait sur une société fermée depuis 4 ans, un deuxième chèque, Monsieur Deschamps, qui est fait, qui dit qu'il est perdu et il n'est pas perdu. Maintenant, on apprend que l'assurance a été touchée. On pourrait dire qu'il va refaire une procédure. Non, celle qu'il a actuellement est... Là, il est bien indiqué parfaitement clairement par le tribunal de grande instance de Créteil que si jamais le chèque démontré en sa nouvelle présentation démontrait que le compte n'est pas suffisamment provisionné, eh bien M. Guidioni aurait l'obligation de payer par tout autre moyen à sa convenance, y compris les moyens forcés qu'un huissier peut mettre en œuvre. Toujours la BNP en attente. Ah, vous oui, avez c'est... du nouveau ou pas ? Non, toujours pas, Julien. Je vous promets, je guette mes mails, mais je ne vois rien. Alors, je rappelle que quand même, la justice a demandé à la BNP de faire ce qu'il fallait. De lever l'opposition. On attend que la BNP nous donne du nouveau. Alors, nous allons maintenant commencer la farandole des cas qui bloquent un peu. Jean-Philippe, il a payé plus de 30 000 euros à un artisan. Un devis a été signé en mars 2016 et les travaux ne sont toujours pas terminés. Qui nous donne du nouveau maintenant sur ce dossier ? C'est vous, Charlotte. Nous vous écoutons. Oui, alors effectivement, je n'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles à vous donner. Peut-être une ou deux informations toutefois, mais je vous propose d'abord d'essayer de rappeler ce monsieur qui ne nous a jamais répondu lors de l'émission en direct. Donc Jean-Philippe est en ligne avec nous peut-être ? Oui, il est là. Bonjour Jean-Philippe. Guillaume ? Bon, qu'il fasse un contrat à la main ou on fera pas de contrat. Ouais, faites un contrat plutôt à la main. Parce qu'avec les pieds, je vais te dire, j'en ai fait deux ou trois. Les clients n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, Jean-Philippe. Et je lui ai dit, arrête d'aider de faire des contrats avec les pieds. Tu pourrais te servir de tes mains, parce que tu vois bien que les clients ne comprennent rien à ce que tu lui dis. Ça va, Jean-Philippe ? Ça va et vous ? Bon. Alors, Jean-Philippe, vous étiez en train de parler à un collaborateur, je l'avais bien compris. J'avais bien compris aussi. Vous avez signé un devis pour des travaux de rénovation, vous avez fait confiance à l'artisan, vous avez versé 30 000 euros plusieurs fois, les travaux ont commencé fin juin, au bout de quelques mois, il vous dit, j'ai des problèmes de trésorerie. Pour lui donner la possibilité de se refaire une trésorerie, vous l'autorisez à suspendre le chantier pour qu'il en finisse d'autres. Il revient un petit peu, et puis pas du tout. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu la cata. L'objectif, c'était de trouver un accord pour sortir de l'impasse, soit la réalisation de la fameuse porte des toilettes, car je rappelle, Jean-Philippe, que vous vivez sans porte de toilette, que vous avez marié votre fille le week-end dernier, où vous étiez assis sur les toilettes et vous disiez bonjour aux invités qui passaient un par un. Ah, tiens, bonjour Robert, c'est gentil d'être venu. Bonjour, vous aviez fait même votre discours, paraît-il. Ma chérie, il y a 24 ans quand tu es née, vous étiez assis sur les toilettes et tous les gens étaient autour. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, nous rappelons une nouvelle fois ce monsieur. C'est parti. Allez, on y va. La société qui se trouve dans le 89. C'est une succession de lettres. Que je vais vous donner le nom de la société. A. Oui, allô ? Oui, bonjour Dominique, je ne vous dérange pas ? Ben non. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Dominique. Je suis oui. avec Jean-Philippe Larue qui va vous expliquer le but de son appel sur RTL. Jean-Philippe, c'est à vous. Oui, bonjour. Bah, écoutez, je voudrais bien que les travaux un jour soient terminés chez moi, qu'on me donne signe de vie et qu'on me propose soit des rendez-vous, soit simplement le remboursement des derniers acomptes pour officiellement passer à autre chose. Voilà, Monsieur Drouard, vous comprenez bien que maintenant le temps commence à... Ça commence à faire long pour Jean-Philippe, hein, qui a été plutôt sympa, je crois. Oui. Il vous avait même permis de partir faire d'autres chantiers, d'abandonner le vôtre. Pardon ? Je suis passé chez lui il y a 3 semaines, il n'y avait personne. Est-ce que vous l'avez prévenu avant de passer ? Oui. Ah non, ah non. C'est, ah bah. C'est quand même un petit peu mieux. Monsieur, mettez-vous quand même à la place de Jean-Philippe. Vous venez faire un chantier, puis tout d'un coup vous lui dites « j'ai plus de trésorerie ». Il vous dit « bon, bah alors pour vous refaire la cerise, je vous autorise à partir ». Après vous ne donnez plus de nouvelles, et là tout d'un coup vous passez sans prévenir et vous dites « je suis passé, il n'y avait personne ». Enfin, alors essayons d'être positifs, monsieur Drouard. Oui. Est-ce que vous pouvez venir finir les travaux ? Bien sûr, mais c'est prévu. Alors c'est prévu quand ? Est-ce que vous le savez, Jean-Philippe, quand c'est prévu ? Aucune idée. Est-ce qu'il vous a appelé, monsieur Drouard, Jean-Philippe, durant ces dernières semaines ? Absolument pas. Est-ce qu'il vous a envoyé un mail ? Plusieurs mois que j'essaye, rien du tout. Alors, monsieur Drouard, est-ce que vous avez une boîte mail ? Ouais. Super. Alors, monsieur Drouard, dorénavant, ne communiquez que par mail, comme ça, ça laisse des traces. Quand est-ce que vous allez venir, monsieur Drouard, s'il vous plaît, finir les travaux de Jean-Philippe ? Eh bien, je vais lui finir dès que ça va être possible. Ah, ça, c'est une bonne date. Alors, je le note, dès que ça va être possible. Mais c'est quand ça va être possible, c'est-à-dire ? Ben, je lui ai dit la dernière fois que j'allais venir. Je suis passé, il n'y avait personne. Donc, je ne vois même pas pourquoi il vous appelle. Parce que ah non, pour rien. Alors, Jean-Philippe, pouvez-vous expliquer gentiment à ce monsieur pourquoi vous passez par la radio ? Parce que je pense qu'il n'a pas bien compris. Bah écoutez, il y a eu juste une quantité astronomique de SMS, ça restait sans réponse aucune, des messages par mail, des demandes de dates avec... Je voudrais juste rappeler aux auditeurs, Jean-Philippe, voilà. Que le devis date de mars 2016. Oui, donc absolument. ACDMD, depuis mars 2016, n'a pas fini les travaux. Donc monsieur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, des futurs clients à vous aussi, de ACDMD. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je précise que c'est celle qui est à Coulangeron dans le 89. Suite c'est à ce même. Devis signé en mars 2016, quand allez-vous venir finir les travaux, vous qui avez déjà touché ? Combien a touché Jean-Philippe, ce monsieur ? À peu près 30 000 euros, voilà. Un euro près. Juste donnez-nous une date. Allô ? Oui, allô ? Je vous disais donc, allez-y, donnez-nous une date pour la fin des travaux. Eh bien, je vais réfléchir et je rappellerai M. Larue. Voilà. Ou je passerai le voir. Non, lui, il ne veut pas que vous passiez le voir, il veut une date. Vous lui l'appelez ou vous lui donnez. D'accord. Donc vous êtes incapable, on est bien d'accord, M. Drouard, de venir finir les travaux. C'est ce que je comprends, puisque quand on en arrive à dire « je vais réfléchir à un client qui a 2 ans d'attente », vous avez d'autres chantiers, monsieur, avec ACDMD ? Bien sûr, aucun. Aucun, on est bien d'accord. Donc vous êtes en train de fermer la boîte ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non, pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aux futurs clients d'ACDMD qui pourraient venir chez vous en vous disant bah, « tiens, je voudrais faire des travaux avec vous » alors que vous n'avez pas fini des travaux qui ont commencé il y a 2 ans ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là qui vous écoutent ? Eh bien, je vais leur dire rien du tout. Voilà, vous n'êtes pas grand-chose. Je trouve le truc de M. J.P. Larue. Oui. Un petit peu bête. Bah oui, c'est idiot. Parce que... Bah oui, pourquoi c'est idiot ? Un petit peu bête. Non, attendez Jean-Philippe, c'est intéressant. En quoi c'est idiot, monsieur ? Bah parce que quand on prend des engagements avec monsieur Larue, on dit ok. Et après, bah non, il fallait pas venir parce qu'il était occupé. Donc, voilà. Bon. Écoutez, ce que je vous propose, monsieur Drouard, je vais vous laisser réfléchir. Nous, tous les jours, je vais faire un point avec Jean-Philippe sur la date à laquelle vous venez. D'accord ? Donc, demain, je l'appellerai. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de monsieur Drouard ? Et comme ça, ça va nous permettre et permettre à votre clientèle de savoir votre taux de réactivité. Donc, demain, Jean-Philippe, à la même heure sur RTL, vous nous dites si monsieur Dominique Drouard a trouvé une date. Pour l'instant, il n'en a pas. Il n'a pas d'autres chantiers. Et visiblement, il ne sait pas quand il va venir. Donc, au niveau organisation, c'est un peu compliqué. Donc, monsieur Drouard, moi, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous repasse Bernard Sabat qui va vous donner notre numéro. Et Jean-Philippe, on s'en reparle demain. Je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.

Le 21 avril 2011 débutait l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses que la France ait connues. Je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez entendu beaucoup de choses sur moi. Je veux vous raconter ce que j'ai fait, ce qui s'est vraiment passé. Mêlant fiction et réalité, découvrez l'enquête sous un nouveau jour. Xavier Dupont de Ligonnès, dans la tête du suspect, c'est ce soir à 21h sur M6. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. Ben voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylanemeilleuresante.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylanemeilleuresante.fr, tu dis ? C'est ça. Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec mylanemeilleuresante.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour. Et il est pas un peu bizarre ton sapin ? Bah non, il est Norman. Dès aujourd'hui, pour l'achat d'un sapin Norman, Intermarché vous offre jusqu'à 15 euros en bon d'achat. Et c'est seulement jusqu'au 9 décembre dans votre Intermarché. Après, il sera trop tard. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Montant du bon d'achat variable en fonction de la taille du sapin. Modalité magasin participant sur noel.intermarché.com. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Alors, comment ça se passe chez Sport 2000 ? Dans notre magasin de Pontcharras sur Turdine, que du bonheur, Antoine Griezmann. La preuve, avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre, par exemple, la veste Sherpa Homme Quicksilver est à 49,95€, soit 41% de remise. Ça match. Joyeux Noël, Antoine Griezmann. Sport 2000. Ça match. Voir conditions en magasin. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous revenons sur le cas de Daniel, cas de vente de voiture. Vous croyez tomber, voyez, sur des professionnels, vous les trouvez sur un gratuit, ils sont à l'autre bout de la France, etc. Et bien là où on en bonjour, est aujourd'hui bonjour, avec le cas de Daniel qui est en ligne avec nous. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Donc Daniel, 3 au 4e passage sur RTL, Maître Felloneau. Oui, effectivement, Daniel a acheté une voiture d'occasion auprès d'un revendeur qui lui a donné la voiture, mais pas la carte grise. Et cette carte grise, il n'arrive pas à l'obtenir pour une simple et bonne raison, c'est que lui-même n'a pas payé le véhicule qu'il a revendu à Daniel. Donc, on ne sait pas la première fois qu'on a ce genre de cas. Et malheureusement, celui qui lui a vendu la voiture, qui est aussi un professionnel, c'était l'ancien employeur, figurez-vous, du vendeur. Ben, il dit, moi je suis désolé, je garde la carte grise, j'ai pas perçu le prix de la vente, on le comprend, mais franchement, voilà, la victime, au final, c'est Daniel. Celui qui a vendu ses designs automobiles, Steven Bastianelli, qui est rue Clément Adair à Moncel-les-Lunéville, c'est lui qui doit remettre la carte grise à Daniel, qui est le couillon de la farce, puisque le pauvre ne peut pas utiliser sa voiture, sachant que Design Automobile l'a acheté donc à BMW, c'est ça si je me rappelle bien. C'était ça, JB ? Alors, le véhicule a été acheté en fait directement à M. Marc Isoir, qui était en fait l'ancien employeur de M. Bastianelli. Donc, on avait appelé M. Isoir vendredi, on lui a demandé d'essayer de gérer un petit peu le problème, et c'était compliqué parce que M. Isoir n'avait toujours pas récupéré non seulement les frais de la carte grise, mais aussi les frais du véhicule. Et donc, ça bougeait pas. Alors, j'ai encore essayé de rappeler M. Bastianelli pour trouver une solution, et son téléphone portable est constamment sur répondeur, sa messagerie est même saturée. Mais oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, ça va finir. Alors déjà, nous, tous les jours, Daniel, nous allons donner la possibilité à M. Bastianelli, parce que ce qu'on dit là, quand même, est grave. Il a vendu une voiture qu'il ne devait pas vendre. Donc tous les jours, nous allons lui donner la possibilité de s'exprimer, de venir sur l'antenne d'RTL, nous dire, vous vous trompez. Et je vous démontre par A plus B que vous vous trompez. La situation, en fait, est très claire. Mais ça, on ne peut pas, puisqu'il ne répond pas. Donc M. Bastianelli, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est à Moncel-les-Lunéville. Nous y reviendrons. D'un autre côté, nous donnons tout de suite, si vous êtes d'accord, Daniel, le dossier à demandejustice.com qui va s'occuper de tout. Oui. Alors moi j'ai une petite réflexion. Demandejustice.com, c'est pour les juridictions civiles. Et je me demande dans cette affaire si on n'a pas changé d'ambiance et si on n'est pas passé au pénal, puisque au cours de nos émissions, nous avons trouvé des témoins qui sont exactement dans le même cas. Alors moi je veux bien qu'on ait un loupé sur une affaire, mais sur 3 ou 4 témoins que nous avons vus, ce que va faire Maître Felloneau, c'est venir vous parler hors antenne, vous choisissez ce que vous décidez. Le pénal, c'est vrai que c'est beaucoup plus violent.

Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 euros plus 36 loyers de 99 euros. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 euros hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Merci les négociateurs, merci Maître Felono, toutes les équipes. On se retrouve demain en direct à 9h30. Stéphane est donc là en place. Absolument. Alors, moi, c'est la fin de mon émission, donc pour moi maintenant c'est un suppôt et au lit. Et pour vous? Ah ben non, nous c'est beaucoup mieux. On a Big Flo et au lit. Ah ben voilà. C'est-à-dire c'est pas suppôt et au lit, c'est Big Flo et au lit. Carton absolu. Carton absolu, la vie de rêve. Voilà.